salue l'Église de Dieu vivant au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nasalimia kanisa Mungu aliyai mujina Bwana wetu Yesu Kristo. Nous sommes contents. Tuko katika furaha. De ce que le Seigneur nous a gardé. Ya vile Bwana Mungu alituchunga. Aucun n'a fourni ses propres efforts pour être ici. Hakuna hata moyo alifanya nguvu yake juu apate kupatikana hapa. Si nous sommes vivants. Kama tuko bazima. C'est lui qui l'a voulu. Ni yeye ndio alipenda. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Je salue tout le monde. Nasalimia watu wote. Et je salue tous ceux qui nous suivent de loin ou de près. Nasalimia pia wale wanatufuata mbali na karibu. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mujina ya Bwana wetu Yesu Kristo. Nous allons nous lever. Tutasimama. Dans des rois au chapitre 6. Mwafalme wa pili sura yake ya sita. Les versets 12 à 13. Mustari ya 12 na 13. Et puis 15 à 17. Kisha 15 kufika na 17. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tukunasoma mujina ya Bwana wetu Yesu Kristo. L'un de ses serviteurs répondit. Mumoja ya watumishi akajibu. Personne au roi mon seigneur. Hakuna mtu o mfalme bwana wangu. Mais Élisée le prophète qui est en Israël. Alakini Elisha nabii mwenye upatikana mu Israël. Rapporte au roi les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Njo ule kona muonesha mfalme maneno yote leo kunasema mchumba yako ya kulala. Le roi d'Israël et le roi dit. Na mfalme akasema. Allez et voyez où il est. Endeni na muone pahali anapatikana. Et je le ferai prendre. Na mimi tamubamba. On va lui dire voici il est à Dothan. Bakakuja kumwambia tazama eko ku Dothan. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe. Akatuma bafarasi na magari na kundi mkubwa wa askari qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Na bale balifika usiku na kuzunguka muji. Le serviteur de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit. Mutumishi wa mtu wa Mungu akalamuka asubuhi na kutoka. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Tazama kundi ya wajesi walizunguka muji pamoja na wapunda na wagari. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu. Na mtumishi akamwambia mtumishi wa Mungu. Ah mon seigneur, comment ferons-nous? Oh bwana wangu tutafanya nini? Il répondit ne crains point. Akamujibu usiogope kitu. Car ceux qui sont avec nous sont en grand nombre que ceux qui sont avec eux. Kwani bale sisi tukunabo ni ba mingi kushindia bale wanaona. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mungu abariki usomi wa neno lake. Inclinons nos têtes. Tuinamishe vichwa vyetu. Père bien-aimé. Baba mupendwa, créateur de toutes choses, mumbaji wa kila kitu, auteur de la vie éternelle, mwanzishi wa buzima milele, nous te disons merci. Tunasema asanti. Nous créatures méritées incapables. Sisi biumbe biasipo kustahili na biasipo kuwa na nguvu. Mais nous avons trouvé la grâce devant toi. Lakini tulipata neema mbele yako. Pendant que tous les systèmes religieux du monde sont pourris. Wakati ile matengenezo yote ya kidini ya ulimwengu mzima inaoza. Tu nous as visité par l'envoi d'un prophète. Ulitutembelea mkututumia nabii. Un prophète que tu as confirmé. Nabii ule uliyakikisha. Par des miracles qui l'ont accompagné. Pitia mami ujizele rimusindikiza. Par les dons du Saint-Esprit que tu as distribué selon ta volonté. Kupitia Roho Mtakatifu ile rukabula kufuatana na mapenzi yako. Notre Dieu et notre Seigneur. Mungu wetu na Bwana wetu. Tu as dit. Ulisema. À deux ou trois assemblées à mon nom, je suis au milieu d'eux. Pale bawili wala batatu banakusanyika mujina langu ni ukatikati yabo. Nous avons besoin de ta présence au milieu de nous. Tunahitaji uwepo wako katikati yetu. Commence avec nous. Wanze nasi. Tu Il devient jusqu'à la fin. Mwanjo hadi mwisho. Dans les noms qui dépassent tous nos dans les cieux et sur la terre. Munjina na shindia majina yote kumbingu na padunia. Le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Jina ya Bwana Yesu Kristo. Amina. Aujourd'hui, nous avançons avec les mêmes thèmes. Leo tukunaendelea paka na ile shina moyo ya mahubiri. Regardant sur l'invisible. Benye kuangalia kubitu yasipoonekana. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Pour aller au ciel. Pakwenda kumbingu. Il y a des principes. Kuko makanuni. Nous n'allons pas au ciel comme à Lubumbashi, comme à Kinshasa. Atuendake kumbingu sawa ku Lubumbashi wala sawa ku Kinshasa. Il y a des choses que Dieu nous dit que nous devons faire. Kukubitu bile Mungu anatuambia bile tunapashi kufanya. Parce que quand nous irons au ciel, kwani wakati tutaenda kumbingu, c'est dans cette voie lactée que nous allons monter. Njo muile njia tutapanda. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Les hommes de la terre batu ya padunia, qui vont rencontrer les dieux du ciel. Bale watenda kutanishana na Mungu wa kumbingu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. C'est pourquoi nous allons parler de regardant ou regarder à l'invisible. Joko mana tutasema yulu ya shina yenye kuita wangalia wala mwangalieni kubitu yasipoonekana. Il y a des choses que nous voyons. Kukubitu bile tukunaona. Il y a des choses que nous ne voyons pas. Na kukubitu bile atuone. Il y a des choses que nous connaissons. Kukubitu bile tunajua. Il y a des choses que nous ne connaissons pas. Na kukutena bitu bile atujue. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Il nous faut obligatoirement être au ciel pour les connaître. Inapasha hakika katika mapasho kuenda kumbingu ili tupate kubijua. Il y a des choses que nous voyons. Kukubitu bile tukunaona. Et il y a celles que nous ne voyons pas. Na kuku tena bingine bila tuone. Qui demande obligatoirement être au ciel pour les voir. Bile bina lazimisha kuwa kumbingu njo upate kubiona. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Nous ajoutons encore une écriture dans Genèse 24. Tunaongeza tena andiko ingine mwanjo makumi mbili na ine. Nous allons lire le chapitre 24 de Genèse. Tutasoma mwanjo sura makumi mbili na ine. Nous allons commencer au verset 53. Tutanzia mstari ya makumi tano na tatu. Et le serviteur sortit des objets d'argent. Na mutumishi akatosha bitu bia feza. Des objets d'or, bitu bia zahabu, et des vêtements, na mavazi, qu'il donna à Rebecca. Ile akampatia sasa Rebecca. Il fit aussi des riches présents à son frère et à sa mère. Akapatia tena mazawadi ya bei kwa nduku yake na kwa mama yake. Après quoi, ils mangèrent et birent. Kisha wakakula na kunywa. Lui et les gens qui étaient avec lui. Yeye pamoja na watu wale alikuwa nabo. Et ils passèrent la nuit. Na kisha wakalala pale. Le matin quand ils firent lever. Asubuhi kisha wakulamuka. Le serviteur dit. Mutumishi akasema. Laisse-moi retourner vers mon seigneur. Uniache nirudie kwa bwana wangu. Le frère et la mère dit. Nduku na mama wakasema. Le frère. Nduku et la mère dit na mama bakasema que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore. Huyu binti apate tena kubakia nasi muda kidogo. Une dizaine de jours. Masiku kumi. Ensuite tu partiras. Na kisha utaenda. Et il répondit. Yeye akabajibu. Ne me retarde pas. Mushinicheleweshe. Puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Wani wa milele anawezesha safari yangu. Laisse-moi partir. Niache basi niende. Et que j'aille vers mon Seigneur. Na niende mbele ya Bwana wangu. Il répondit. Nao wakajibu. Appelons la jeune fille et consultons-la. Tumuite basi huyu binti na tupate kumuuliza. Ils appelèrent donc Rebecca. Bakamuita basi Rebecca. Et lui dit. Nakumwambia. Veux-tu aller avec cet homme? Eti unapenda kuenda na huyu mtu? Elle répondit. J'irai. Naye akajibu ya kwamba nitaenda. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur et sa nourrice. Bakamwacha basi Rebecca kwenda dada yabo pamoja na mchungaji wake mwanamke. Avec les serviteurs d'Abraham et ses gens. Pamoja na mtumishi wa Ibrahimu na batu yake. Il bénit Rebecca et il lui dit. Bakambariki Rebecca na kumwambia. Notre sœur. Dada yetu. Puisses-tu devenir des myriades? Upate kumbi kwenda kusala na mkwe ba mingi. Et que ta postérité possède la portée de ses ennemis. Na uzao yako ipate kushika mlango ya adui yako. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Ça c'était un mariage spécial. Hii ilikuwa ni ndoa ya upekee. Un mariage extraordinaire. Ndoa ya mastajabu. Avant qu'on en arrive à ça. Bene ya kufiki yako. Cet homme de Dieu était en prière. Huyu mtumishi wa Mungu aliingia katika maombi. Pour voir si Dieu ferait réussir sa mission. Jua kuona kama Mungu atawezesha kazi yake. Il n'avait même pas terminé la prière. Alikuwa hajamaliza hata maombi. Que la fille est descendue. Jua pale binti alishuka. Sa crèche sur l'épaule. Na mutungi yake paribeka. Et tout ce qui a lié là-bas. Na bile vyote bilifanika pale. Il a compris. Alielewa. Que Dieu avait exaucé sa prière. Ya kwamba Mungu alikubali maombi yake. Maintenant cet homme. Sasa huyu mtu. A pris ce qu'il fallait. Alichugua mafao, ya mafao. A donné à la fille. Alimpatia binti. A donné à ses parents. Na kupatia baba zazi yake. Et Eliezer a compris. Na Eliezer alielewa. Que comme la mission a réussi. Ya kwamba vile hii safari yangu inawezekana. Je dois m'apresser maintenant pour rentrer voir mon Seigneur. Ninapashi na harakishe nirudie jua kwenda kumuona Bwana wangu. Ça sera maintenant les parents de la fille qui ont dit. Sasa itakuwa ni bazazi ya binti jo walisema. Non. Apana. Nous la retiendrons encore 10 jours. Tubakie kwanza naye muda wa masiku 10. Et ensuite vous partirez. Kisha njo mutaenda. Cet homme a dit. Huyu mtu akasema. Il ne faut pas me retarder. Mushinicheleweshe. La mission est terminée. Safari yangu inamalizika. Vous me laissez rentrer vers mon Seigneur. Muniache nirudie niende kwa Bwana wangu. Ils ont dit ça va, appelons d'abord la jeune fille elle-même. Barisema mzuri kumbi tumuite kwanza binti yeye mwenyewe. On l'a appelé. Bali muita. Que dis-tu toi-même? Sasa wewe mwenyewe unasema hako nini? De ce que le serviteur ici parle. Bile huyu mtumishi yako anasema hapa. Elle a répondu sans tarder. Naye alijibu bila ukawia. J'irai. Mimi nitaenda. Et elle s'est arrêtée là-bas. Naye alisimamia pale. Cette femme. Huyu mwanamke. Est un type parfait de l'épouse de Jésus-Christ. Ni picha kamilifu ya bibi harusi wa Bwana Yesu Kristo. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Si vous voyez son caractère. Kama mkiona tabia yake. C'était une bonne femme. Alikuwa ni mke mwema. Une femme de qualité. Mke wa tabia mzuri. La femme c'est la qualité. Mwanamke ni tabia nzuri. La femme ce n'est pas le corps. Mwanamke haina mwili. La femme c'est la qualité. Mwanamke ni tabia nzuri. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Et c'était une femme de qualité. Naye alikuwa ni mwanamke wa tabia mzuri. La mission était terminée. Na ile kazi ilimalizika. Maintenant je vais m'arrêter sur sa décision. Sasa mimi nitasimamia pa mpango yake. J'irai. Mimi nitaenda. Voir un homme. Wenda kuonana na mwanaume. Qu'elle n'avait jamais vu. Ula shia onaka bali. Amen. Amina. Elle regardait. Alikuwa anaangalia. C'est l'invisible. Mubitu ya sipoonekana. Elle ne connaissait pas Isaac. Asikumjua Isaka. Bien qu'Isaac existait. Hata vile Isaka alikuwako. Elle pouvait voir les résultats de ce que l'homme de Dieu avait amené. Aluwezi kuona matokeo ya vile ule mtumishi wa Mungu alileta. Tout ce qu'on a donné à ses parents. Mazawadi yote walipatia wazazi yake. Mais lui-même. Alakini yeye mwenyewe. Cette femme ne l'avait jamais vu. Ule mwanamke alikuwa asia muona ka Isaka. Si c'était aujourd'hui peut-être. Kama ni leo sa zingine. On dirait. Tungesema. Regarde, je ne sais pas. Au Facebook ou quoi? Angalia ku Facebook wala ku WhatsApp. On pouvait le voir. Unawezi kumuona. Celui-là votre mari. Jo huyu bwana yako. Mais pendant ce temps, il n'y avait pas de Facebook. Alakini mwile wakati akukwe ma Facebook. Elle a seulement crié. Aliamini tu. Elle a dit j'irai. Alisema mimi nitaenda. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Elle a décidé. Alichugua mpango. J'irai seulement. Mimi nitaenda tu. Eh non. Mwanaume. Qu'elle n'a jamais vu. Si onaka, quand elle a décidé d'irer, elle a tourné le dos à toutes choses qui l'entouraient. Ses parents, yake, tout ce qu'il y avait dans leur maison, bile biote yabo, elle avait déjà tourné le dos. Elle avait besoin d'aller voir un homme qui elle a aimé. Le voir. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. C'est pourquoi chaque soir vous êtes ici. Jokomana kila mangaribi Mungu nakuya hapa. Vous chantez avec joie. Muko naimba na furaha. Vous attendez quelqu'un. Muko nachunga mtu moya. Que vous n'avez jamais vu. Ule amuyaonaka. Mais qui existe. Lakini yeye kwako. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Vous ne dansez pas pour un homme. Amucheze mtu. Mais vous dansez pour cet homme là. Muko nachezea ule mtu ule. Mais vous ne l'avez jamais vu. Lakini amuyaonaka. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Mais je vous dis. Alakini mina miambia. Eliezer. Savait. Alijua. Qu'Isaac existait. Ya kwamba Isaka eko wako. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Et le Saint-Esprit. Na Roho Mtakatifu naye. Sait que Jésus est là quelque part. Anajua kwamba Yesu Kristo iko wako fazi fulani. Notre Seigneur Jésus Christ. Bwana wetu Yesu Kristo. Est là. Eko wako. En train de vous regarder. Eko na kuangalia. Comme vous me regardez. Paka vile munaniangalia. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Il a dit. Alisema. Que votre cœur ne se trouble pas. Moyo wenu usifadhaike. Néanmoins, si vous croyez sa parole. Alakini ni kama unaamini neno lake. Que votre cœur ne se trouble pas. Moyo wako usifadhaike. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Muamini Mungu na muniamini mimi. Dans la maison de mon père, il y a des demeures. Munyumba baba muku makao mingi. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Kama ingekuwa hako ningemionyesha. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Toute sa vie sur la terre. Maisha yake yote pa dunia. Il n'a jamais dit quelque chose pour corriger ça après. Non. Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. C'est comme nous avons parlé hier. En Dieu, il n'y a pas un mensonge. Bongo udanganifu. Nous-mêmes ici, sisi wenyewe hapa, nous sommes les produits de la parole prononcée. Tuko matokeo ya neno ile lisemewa. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Si je pouvais poser la question ici. Kama nawezi kuuliza hapa. A mes jeunes sœurs. Kwa binti betu. Qui ont vu Mobutu? Ni banani walimuona Mobutu? Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Qui sont ceux qui ne l'ont pas vu? Ni banani wale abakumuonake babiana banaume. Vous levez les mains. Eti mnaweza kunyolosha mikono. Ceux qui n'ont pas vu Mobutu. Bala waya muonaka Mobutu. Dieu vous bénisse. Ah Mungu amibariki. Vous voyez c'est beaucoup. Munaona ni ba mingi. Mais Mobutu a existé réellement. Mobutu yeye alikuwa kaka kwa kweli. Mais cependant il y a les gens qui n'ont pas vu. Japo kuku bantu bala waya muonaka. Munaona. Si je pouvais remonter. Kama naweza tena kupanda. Qui n'ont pas vu Lumumba. Ni banani bala bakumuonake Lumumba. Je serai le premier à lever la main. Mimi nitakuwa wa kwanza kunyolosha mkono. Na bengine. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Mais Jésus-Christ. Alakini Yesu Kristo. Existe. E kwako. Quand vous adressez votre demande à quelqu'un qui existe, wakati ukiomba mutu ule kwako, vous n'avez pas de doute. Auna na shaka. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. C'est pourquoi Jésus pouvait dire. Jokomana Yesu alisema. Si vous demandez quelque chose. Kama mukiomba kitu. Croyez. Muamini. Que ce que vous avez demandé arrivera. Ya kwamba ile munaomba itafika. Alors vous le verrez s'accomplir. Na kisha mutaiona kutimilika. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Continuerons-nous. Eti tutaendelea. A demander Dieu. Kumuomba Mungu. Seigneur. Bwana. Donnez-moi le Saint-Esprit. Unipatie Roho Mtakatifu. Seigneur. Bwana. Donnez-moi le Saint-Esprit. Unipatie Roho Mtakatifu. Aujourd'hui. Leo hii. Je crois que je l'ai reçu. Naamini ya kwamba nisha mpokea. Quand le frère Mundu se met à lâcher. Wakati ndugu Mundu anapita mbali. Il essaie de démontrer par sa parole. Anapima kuonesha kupitia neno lake. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Demain. Kesho, vous demandez le Saint-Esprit. Unaomba Roho Mtakatifu. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Bwana, unipatie Roho Mtakatifu. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Bwana, unipatie Roho Mtakatifu. Un prédicateur viendra de Bakongo. Wakati mubiri mwa tatokea ku Bakongo. Vous dites je l'ai reçu. Unasema nisha mpokea. Et quand le pasteur montera à la chaise. Wakati pastor atapita ku mimbari. Prêchez encore la parole. Akihubiri tena neno la Mungu. Voyez que vous l'avez pas. Unaona tena ya kwamba hauyampata. Donne-moi le Saint-Esprit. Bwana unipatie Roho Mtakatifu. Donne-moi le Saint-Esprit. Bwana unipatie Roho Mtakatifu. 5 ans. Miaka 5. 6 ans. Miaka 6. 7 ans. Miaka 7. 8 ans. Miaka 8. Vous ne demandez que le Saint-Esprit. Uku naomba paka Roho Mtakatifu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Quand vous les recevez, wakati unampokea, hier je vous ai dit, jana nalimiambia, dans chaque personne assise ici, ndani ya kila mtu mwenye kuikala hapa, il y a un compartiment. Muku chumba moya. Dieu a créé cette chose pour lui-même. Mungu aliumba ile kitu juu yake yeye mwenyewe. C'était sa demeure. Bwani makao yake. Qu'il avait créé dans le cœur de l'homme. Il a aliumba mu moyo ya mtu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Il ne voulait pas asikupende. Que l'homme ait des difficultés. Mtu apate kuwa na magumu. Qu'il ait à pleurer. Akuwa kulia. Qu'il ait à se conduire lui-même. Akuwa kujiongoza yeye mwenyewe. Qu'il ait à combattre l'adversaire lui-même. Apate kumkombanisha adui wake yeye mwenyewe. Il voulait qu'il soit là. Lakini Mungu alipenda kuwepo. Et que lui-même fasse le travail. Yeye mwenyewe afanye ile kazi. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Mais. Lakini. Si vous ne pouvez pas le laisser entrer là-bas. Kama weya umwache aingie mule. Alors vous aurez de grandes difficultés. Manake utakuwa na magumu na matatizo. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. La solution à la maladie c'est lui. Jibu ku magonjwa ni yeye. La solution à vos difficultés c'est lui. Jibu mu magumu yako ni yeye. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Regardez le cas de Job. Tazameni mambo ya Yobu. Il y a des témoins de Jéhovah. Huko bashahidi wa Jehovah. Qui sont allés jusqu'à dire. Marienda mukipimo wa kusema. Que Job n'est pas une personne qui a existé. Na kwamba Yobu ana mtu ule alikuwa kapo. C'est seulement une histoire. Ni hadithi tu bule. Qu'on a mis dans la Bible. Ile baruweka mu Biblia. Pour essayer de fortifier. Ya kupima kutia nguvu. Baminifu. C'est faux. Ni bia bongo bibi. Job. Yobu. Était un homme qui a existé. Alikuwa ni mtu ule alikuwa kapo kweli kweli. Tout ce qui lui est arrivé là-bas. C'est la réalité. Mambo ya kweli. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. En premier lieu. Kwanza. Quand il est venu dans le monde. Wakati alikuwa mudunia. Il n'avait rien. Asikuwa na kitu. Et toutes ces choses là. Na bile bitu biote. Il a eu ça dans le monde. Alibipata umu mudunia. Et Dieu. Na Mungu. A ordonné à Satan. Ariamuru shetani. Va. Wende. Touche à tout ce qu'il a. Uguse kubiote bile konabio. Seulement sa vie. Alakini mujima bwake apana. Ça ne le fait pas. Usiguse kubuzima bwake. Tout ce qui est vas-y. Bile biote konabio wende biguse. Je sais que c'est un homme. Minajua sema ni mutu. Qui croit à moi. Ula naniamini mimi. Je sais que c'est un homme. Minajua sema ni mutu. Qui est fidèle. Mwaminifu. Il ne pourra pas me renier. Awezi kama kunikana. Allez. Wende. Lisons d'abord cela. Tulisome kwanza. Job chapitre 6. Yobu sura ya kiasi. Chapitre 1 verset 6 plutôt. Yobu sura ya kwanza mustari ya 6. Job 1 6. Yobu sura ya kwanza mustari ya 6. Nous lisons. Tukunasoma. Oh, Alors les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Siku moya batoto ya Mungu bakakuwa kusimama mbele ya wamilene. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Na shetani naye akakuja katikati yabo. Il ne reste jamais. Ye kalake bule hapana. L'Éternel dit à Satan. Wamilene akamwambia shetani. D'où viens-tu? Unatokea wapi? Satan répondit à l'Éternel. Shetani akamjibu wa milele. Je viens de parcourir la terre et de m'y promener. Natoke mkuwayawaya pa dunia na kuzunguka. L'Éternel dit à Satan. Wa milele akamwambia shetani. Quand tu circulais là, as-tu vu mon serviteur Job? Palorko na zunguluka zunguluka. Eti uliona mtumishi wangu Yobu? Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Satan n'est pas venu commencer le discours avec Dieu. Shetani ashikuanze kusema yeye wa kwanza mbele ya Mungu hapana. Je suis fier de la foi de Job. Mungu alifurahikia sana imani ya Yobu. Amen. Amina. Quand il circulait là-bas. Wakati alikuwa anazunguluka. Est-ce que tu es passé tout près de mon serviteur Job? Eti urumona kwa mtumishi wangu Yobu? Satan répondit à l'Éternel. Shetani akamjibu wa milele. Verset 9. Mstari atiza. Et c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu. Eti ni kwa bule tu Yobu eko naogopa Mungu. Ne l'as-tu point protégé? Shuri muchunga. Lui sa maison. Yeye na nyumba yake. Et tout ce qui est à lui. Na byake byote. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Uribariki kazi ya mikono yake. Et ses troupeaux couvrent les pays. Na bifuko yake binayala pa dunia. Mais étant ta main. Alakini nyolosha mkono yako. Touche à ce qui lui appartient. Uguse kwa byake byote. Et je suis sûr. Niko na hakikisho. Qu'il te maudira en face. Ya kwamba takulani paka pale. L'Éternel dit à Satan. Wa milele akamwambia shetani. Voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Tazama byake byote mina kutoea byo. Seulement. Alakini. Ne porte pas la main sur lui. Usimuguse yeye apana. Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Na shetani akatoka muwepo wa milele. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Dieu n'est pas fier d'autre chose que de votre foi. Mungu ashifurahikie kitu kingine isipokuwa imani yako. Quand vous croyez, wakati unaamini, Dieu est fier. Mungu anafurahi. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Et il a dit à Satan. Na alimwambia shetani. Comme tu dis comme ça. Vile unasema hivi. Je t'ordonne. Na kuamuru. Allez là-bas. Wende kwake. Touche à tout. Uguse kubyake byote. Mais seulement sa vie, non. Alakini bujima bwake ushibuguse. Et Satan a dit. Na shetani alisema. Ça va. Ah, mzuri. J'ai l'ordre de Dieu lui-même. Hasa Mungu yeye mwenyewe ananiruhusu. Je verrai qui va le protéger. Taona vile atamulinda. Je ne peux pas tout lire. Siwezi kusoma byote. Tout ce que Job avait. Bile byote Yobu alikuwa nabyo. Les enfants. Batoto. Les bêtes, babivuko, même la santé, atanye afya njema, le diable a touché partout, shetani arigusa fazi yote. Et Job est resté. Na Yobu alibakia. Il s'asseyait par terre. Alikuwa nikala chini mavumbi. Se gratte. Na kujikuna. Les choses qui étaient son corps. Bitu bilikuwa natoka mwili. Et sa femme. Na mke wake. La regardé. Alimwangalia. N'a pas vu la nécessité maintenant de la vie des gens. Ashikone tena mafaya bujima bwa Yobu. Il dit de continuer à être fidèle jusqu'à ce niveau. Akamwambia unaendelea kwa mwaminifu kufika na muikimo. Mais maudit Dieu aimer. Shumula ulmulani Mungu kufe. Job l'a regardé. Yobu alimwangalia. Tu parles comme. Ukunasema sawa. Une femme insensée. Unasema sawa mwanamke mjinga. Si de Dieu venait le bien, kama kwa Mungu kulitokea vizuri, on pouvait recevoir. Tungebipokea. Mais s'il vient maintenant le mal, sasa kama kuna kwa bibaya, ne pouvons-nous pas recevoir? Eti atuwezi tena kubipokea. Que le nom du Seigneur soit loué. Jina ya Bwana isifiwe. Et quand vous lisez le livre de Jean, mukisoma kitabu ya Yobu, on nous réfère à la vie de cet homme. Ah, quand l'apôtre Jacques nous enseigne la patience, wakati mutume Yakobo anatufundisha uvumilivu, il nous fait voir cet homme de Dieu. Anatonesha huyu mtumishi wa Mungu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Il a vécu sur cette terre. Aliishi hapa pa dunia. Il a été dans ce corps là que vous avez. Alikuwa mwili ile uko nayo. Il a mangé comme vous mangez. Alikula paka vile na wako nakula. Il avait la fortune plus que vous. Alikuwa na mali kukushindia wewe. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Mais où était ce regard? Sasa macho yake ilikuwa anaangalia wapi? Amen. Amina. S'il pouvait regarder au bien qu'il avait. Kama angeangalia kumali ile alikuwa nayo. Quand le bien était parti. Wakati mali yote ilipotea. Il retrograderait. Angeacha imani. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Mais il n'a jamais rétrogradé. Lakini yeye asiachaka imani kamwe. Ce sont ces choses. Njoi bibitu. Que nous prêchons aux gens. Bile tukunahubiri watu. Dès qu'ils tiennent à cela. Wakati wanashika kubili. Le monde ici. Hii dunia. Verra que quelque part il y a des croyants. Itaone ya kwamba fazi fulani peko baaminifu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Ce n'est pas la pauvreté. Aina bumaskini. Quand quelqu'un est pauvre. Wakati mutu ni maskini. Il commence à s'inquiéter. Unaanza kuzunika. Oh moi. Oh mie uyu. Depuis ma naissance. Tangia kuzalika. J'ai beaucoup souffert. Ninateswa sana. Depuis ma naissance. Tangika kuzalika. Souvent je suis malade. Oh kila mara niko mgonjwa. Ça ne représente rien. Aina kitu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Qu'est-ce que je cherche à vous dire ici? Ninini ile mimi napenda kumionyesha hapa. Nous devons seulement fixer le regard. Tunapaswa kutupa macho yetu. À l'invisible. Kubitu yasipoonekana. Il y a quelqu'un. Kuku mutu. Je n'ai pas honte de témoigner. Sina na haya kushuhudia. De ce que c'est Jésus-Christ que vous croyez. Kile u Yesu Kristo ule munaamini. A fait pour moi. Kile alinifania. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Je partais à Kamina. Narikuwa naenda Kamina. J'avais un vélo. Narikuwa na kinga. Il y avait un fils candé d'huile. Kwa sinkande ya mafuta. Tuku ya mafuta. J'avais un garçon à mes côtés. Narikuwa na kiana wangu pembeni yangu. Lui aussi transportait un autre fils sinkande bouteille. Na yaribeba tena katuku kaloko ka mafuta. Nous avons passé la nuit quelque part. Turilala fazi fulani. En quittant. Mukutoka. Nous n'avons fait que quelques kilomètres. Turifanya tu makilometa kidogo. J'ai senti comme une certaine présence qui venait du côté droit et passait vers le côté gauche. Nikasikia sa uwepo wa kitu kimoja kilitoka kuume na kwenda kuungamba kushoto yangu. J'ai dit à mon frère là-bas. Nikamwambia yule ndugu yangu tulikuwa naye. Je suis fatigué. Ya kwamba mimi nachoka. Il dit tu es fatigué. Anasema unachoka. J'ai dit oui, je suis fatigué. Ndio mimi nachoka. Nous allons à quelques mètres. Tukaenda mameta kidogo. Ces doigts ici. Iki lole iki. A commencé à faire ce mouvement. Kikanza kufanya hivi. Sawa kikunaisha. Je l'ai dit devant vous et devant mon créateur. Ninaisema mbele yenu na mbele ya muumbaji wangu. Ikaanza kufanya hivi. Sawa kunaisha. C'était tous les deux doigts. Kisha ikakuwa vidole vyote viwili. Ensuite c'était toute la main. Kisha ikakuwa mkono yote mzima. Ensuite. Kisha. C'était les bras. Ilikuwa ni mkono yote. Après les bras. Kisha mkono mzima. C'était même la jambe. Ikakuwa na mkulu yenyewe. Après la jambe. Kisha mkulu. C'était l'œil. Nilicho, je me tenais maintenant sur une seule jambe. Nikasimamia sasa pa mguu moja tu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. La vie que nous avons. Ubu bujima tukunabo. C'est une vie futile. Ni bujima bwa ovyo, bwa bule. Ne comptez pas sur cette vie ici. Musitumainie pa ubu bujima tukunabo. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. J'ai dit à celui qui était à mes côtés. Nikamwambia ule tulikuwa naye. On a déposé les charges. Tuliweka kwanza mabuzito yetu. J'ai dit prions. Nikamwambia tuombe. Maintenant quand je priais. Wakati nalikuwa naomba. C'était. Ili cha ingambo. Ilikuwa nafanya hivi funga na kufunika. Ça se ferme. Ilikuwa nafunga na kufunika. Finalement maintenant sur un pied, sur une jambe. Mwenye kusimama pa mungu moja. J'étais obligé de tomber par terre. Nalilazimishwa nilale chini. Et c'était terminé, j'étais parti. Na kulimalizika nalikufa tu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Cet homme, ule mutu, s'est trouvé au milieu de la route, alikuwa katikati ya njia, avec des charges, na mabifulushi, des vélos, na moi-même le responsable de la charge endormi. Mimi mwenyewe mwenye ile buzito nesha lala chini. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Je l'avais exhorté en cours de route. Nilimusubutisha mu njia. Et il avait crié. Naye aliamini. Voici la faute que j'avais commise. Tazama kosa nalitenda. Au lieu d'aller le baptiser. Bali akumubatiza mule munjia. J'ai dit avançons. Nikamwambia sa tuende mbele. On va te baptiser à Kamina. Batendo kubatiza kule Kamina. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Maintenant c'était lui. Sasa ilikuwa ni yeye. Qui a pris la relève. Ndio anachukua sasa kazi. Il a soulevé ma tête. Akaniangula kichwa. Il a mis sur ses pieds. Akaweka pa mikulu yake. Et s'est mis à demander le Dieu du ciel. Akaanza kuomba Mungu akumbi. Bwana, c'est ton serviteur. Ne le laisse pas mourir de cette façon. Il n'y avait rien à moi. Je ne peux rien expliquer. Que j'avais vu ça, j'avais vu ça. Et c'était terminé. Na kulimalizika kwangu. C'est à partir de là. Ni kuanzia pale. J'étais devenu un épileptique. Na kwa tutu mtu wa kupoza. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Et ensuite, Nakisha, j'ai entendu comme la voix qui parlait très loin de moi. Nikasikia sawa sauti moja ilikuwa nasema nami mbali. C'est comme si je commençais à revenir. Inakuwa sawa mimi naanza kurudia. Et je me suis retrouvé qu'il priait pour moi. Nakisha nikashituka eko naniombea. Et je me suis tenu. Kisha nikasimama bwima. J'ai dit ça va. Nikasema mzuri. Je m'a guéri. Mungu ananiponya. Et nous avons avancé. Tukaendelea safari. Arrivé à Kamina. Kufika Mukamina. La chose s'est répétée. Ile mambo ikafanyika tena. Arrivé chez moi, quand je suis rentré chez moi. Wakati narudi kwangu. La chose s'est répétée presque trois fois dans une nuit. Ile mambo ikafanyika mara tatu usiku. Qui connaît l'homme de Dieu, frère Bertin? Nani anamjua mtumishi wa Mungu ndugu Bertin? Il est connu de beaucoup de gens. Awazia watu mingi wanamjua. Il était encore un jeune garçon là. Alikuangaliki kiana mdogo. Mais incroyable. Alakini mwaminifu. Il s'est enfermé avec moi toute la nuit. Alijifungia na mie usiku mzima munyumba. Il a prié. Aliomba. Et Dieu a exaucé sa prière. Na Mungu alikubali maombi yake. Les démons ont quitté ce corps. Ma demona ile katoka mwili. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Dieu existe. Mungu yupo. Chaque croyant et chaque croyant. Kila mwaminifu mwanaume na mwanamke. Vous devez l'expérimenter. Unapaswa kumuonja. Nous ne pouvons pas vous expliquer cela par la bouche. Si ça tu es comme facilier hiyo kwa kinywa. C'est Dieu. Huyu Mungu existe. E kwako ni mzima. Elle passait Ngoi m'a pris. Na pastor Ngoi alinichugua. On venait ici. Tulikuwa nakuja huku. Pendant que je montais dans le train. Wakati nalikuwa napanda mu train. Un militaire qui s'est chamaillé. Askari walikuwa nakokotana. A laissé partir une balle. Alitupa risasi. Et j'ai senti que j'étais atteint. Nikasikia kwamba risasi inigusa kumguu. Quand j'ai tiré les souliers. Wakati nalitosha kiatu. Le sang coulait. Damu ilikuwa inavuja. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Et nous sommes arrivés ici à Likasi. Na tulifika huko Likasi. J'ai été soigné. Bali nitunza. Mon médecin m'a dit. Munganga aliniambia. On te soignera en trois trimestres. Tutakutunza mu miezi tatu. Et cet homme de Dieu m'a écrit une lettre disant. Na huyu mtumishi wa Mungu aliniandika barua kusema. Rentre ici. Urudie huku. Si tu peux avoir confiance dans ces spécialistes. Kama unaweza kutumainia ule. Le Dieu du ciel. Mungu wa kumbingu. Ne peut pas te guérir. Hawezi kuponya pale. Rentre ici pour s'occuper du troupeau. Wewe upate kurudia kuhangaikie sisi ya Mungu. J'ai pris la lettre au pasteur. Nikachukua ile barua na kumpatia mtumishi. Il a lu. Ngoi akasoma. Il a souri. Alicheka. Et j'ai pris une décision, j'ai dit. Nikachukua mpango na kusema. Je rentre. Nitarudia. Il existe quelqu'un qui guérit. Huku mtu ule konaponya iko hapo. C'est Jésus-Christ. Ni Yesu Kristo. Je suis la preuve de la guérison divine. Même ici au milieu de nous. Si quelqu'un est malade. Même s'il a quelle maladie. S'il peut seulement détourner ses regards. Autant qu'a fait la maladie. Et regarder à Jésus-Christ. Il est le même hier. Aujourd'hui. Et pour toujours. Ce qu'il a toujours fait. fanya kila mara. Ili le fe aujourd'hui. Ego naifanya tena na leo. Rien n'est difficile à lui. Hakuna kiasipowezekana kwake. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Dieu guérit les malades. Mungu akona ponya wagonjwa. Dieu sauve les gens. Mungu akona okoa watu. Quand vous lisez Psaume 103. Mukisoma Zaburi 103. Au verset 2. Mstari ya pili. L'écriture dit. Andiko inasema. Il pardonne toutes nos iniquités. Ego nasamema uovu yetu yote. Et il guérit toutes nos maladies. Maintenant, si je pouvais me tourner à mes bien-aimés qui sont les médecins, si Dieu a dit qu'il guérit toutes nos maladies, quelles sont les maladies que les gens guérissent dans le monde? Que Dieu vous bénisse. À moins que ce soit les maladies pour les incrédules. Mais nous savons que c'est Dieu qui nous guérit. Que Dieu vous bénisse. La guérison même c'est quoi? La guérison, c'est la création des nouveaux cellules dans le corps de l'homme. Mais si les médecins terrestres pouvaient créer de nouveaux cellules, ils seraient des créateurs. Oh, il y a un seul créateur, c'est Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi nous devons regarder à lui en toutes choses. Il pardonne tous nos péchés. Il guérit toutes nos maladies. C'est un Dieu qui répond à toutes nos difficultés. Mais le problème en est que les gens ont les regards fixés sur les choses du monde. Frère Branham dit, ça c'est la chose. Le prophète dit, moi-même j'en ai observé. Il dit, quand un serpent est quelque part, commence à faire les mouvements, lorsque les oiseaux découvrent les serpents, souvent les oiseaux s'attroupent et se mettent à crier. Maintenant, frère Branham dit, dans les yeux du serpent, il y a un pouvoir qui hypnotise les oiseaux. Que Dieu vous bénisse. Et si l'oiseau ne fait pas attention, il braquera ses yeux dans les yeux du serpent. Connaissez-vous que le serpent n'a pas de paupières? Que Dieu vous bénisse. Vous voyez. Et pendant que les oiseaux sont là, lui avance d'une manière que vous ne pouvez pas remarquer. S'il y a une hypocrite, c'est le serpent. Et maintenant, si l'oiseau est en train d'observer ses yeux, il ne fait pas attention, il se retrouvera dans la gueule du serpent. Que Dieu vous bénisse. Et frère Branham dit, ce qu'un oiseau doit faire, c'est enlever ses yeux dans les yeux du serpent et tourner son bec en haut. Et ses yeux-là ailleurs, alors l'oiseau aura le pouvoir de sauter et d'échapper. Et il prend cette chose. Il utilise vous le croyant. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, ce qui hypnotise la vie de beaucoup de croyants, ce sont les choses du monde. Que Dieu vous bénisse. Jésus a dit, si vous aimez les morts et les choses qui sont dans les morts, c'est la preuve que l'amour de Dieu n'est pas en vous. Que Dieu vous bénisse. Je lis un peu cela rapidement. Je vous lis au paragraphe 34. J'ai appris qu'un serpent peut captiver le regard d'un oiseau. Nalipata habari ya kwamba nyoka anawezi kuvuta kuangalia kwa ndege. Il peut avoir directement une prise sur cet oiseau. Na anawezi sasa na kumbamba ule ndege. Il peut amener cet oiseau à quitter son perchoir. Anawezi kutosha ndege atoke penyane karia. À voltiger simplement tout autour. Apate tu kurugaruka pembeni ya nyoka. Tout autour et tout autour. Pembeni na pembeni ya nyoka. Et aller tout droit dans la gueule du serpent. Na kuenda mukinywa ya nyoka. J'ai appris que l'œil du serpent. Na ripata habari ya kwamba licho ya nyoka. A un pouvoir tel que. Ikuna uwezo ya kusema. Lorsqu'il captive le regard d'un oiseau. Wakati ile anashika kuangalia kwa ndege. Cela le facile. Inamulengamisha. Cela l'attire droit vers le serpent. Na itamuvuta kwenda kule kukunyoka. Et on nous dit que ce petit oiseau. Na anatuambia kwamba kandeke kadogo. Va voltiger. Kataluka. Voltiger. Keona lukaluka. Et voltiger. Na kulukaluka pembeni ya nyoka. En descendant. Mukushuka kuangalia nyoka. Et que s'il si ne s'élève pas rapidement, kama shilamuke kwa wepesi, s'il ne lève pas rapidement la tête, kama shinyoloshe kichwa yake kwa wepesi, et ne se libère pas, na shiriachirie, de ce serpent, na kumukimbia ule nyoka, en se secouant, mukujitigiza, et ne se met pas à regarder vers le haut. Na kama ule ndeke ashangarie yulu, il ne se libérera jamais. Hawezi kama kuepuka nyoka. C'est la seule manière dont il puisse se libérer. Jona mna tu moya ye kuepuka nyoka. Il en est ainsi ce soir de certains petits oiseaux. Iko hivyo hivyo mangaribi ya leo na tubandeke twingine tuloko. Amen. Amina. Et ils ont été attirés par les choses du monde. Ili futwa na bitu ya mudunia. Par un évangile social. Na injili ya kufurahisha bantu. Amen. Amen. C'est pourquoi. Njoko amana. Hier je disais. Jana nalikuwa nasema. Nous devons louer le Seigneur. Tunapashi kumusifu Mungu. Nous ne voulons pas un évangile qui tapote nos épaules. Atupende injili ya kutufurahisha kutubembelesha. Nous voulons un évangile. Tunapenda injili. Semblable à une hache. Ya kufuanana na shoka. Amen. Amina. Pour former bien une marche. Jua kutunga mzuri mukamatio. Ils font enlever beaucoup d'histoire. Na pashi kutosha bitu mingi. Jusqu'à ce que vous voyez. Kufika na pale utaona. Que la marche a atteint la statue. Ya kwamba hii mukamatio inafika sasa mukimo. Et vous y mettez nous. Pale njota weka mo shoka. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Et Dieu. Mungu naye. Nous envoie ses serviteurs. Ego natutumia watumishi yake. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Aimons lorsque Dieu nous a donné des hommes de Dieu qui prêchent l'évangile, qui touchent les cœurs. Tufurahi wakati Mungu anatupatia watumishi ya Mungu ya kweli bali kuleta injili ya kugusa moyo. Mais pas un évangile social. Hapana injili ya kufurahisha bantu. Vous êtes sauvés par la grâce. Amen. Kwa neema tu bure. Amen. Amen. Amen. Oui. Ndio. Bien sûr être sauvé. C'est par la grâce. Kwa neema ndio. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Et d'ailleurs. Na japo. Quand nous sommes venus dans ce monde. Wakati tukua mu dunia. Le frère Branham dit. Branham asema. Dans son message le choix d'une épouse. Et il dit bibi, dans le polan générateur de l'eau. Anasema mu. Le polan générateur de l'eau. C'est-à-dire quoi? Manake nini? Il dit. Anasema. Il laisse partir un million de spermatozoïdes qui sortent. Ah, manake onacha mambeko mingi elfu na maelfu ikunatoka mwili ya mwanaume. Qui court pour féconder l'ovule. Ikunenda tu akuleta buzima. Ça c'est un domaine pour mes bien-aimés qui connaissent la médecine. Aini mambo ya banganga wanajua hii. Il dit. Anasema. Tous. bote. Ce sont des gens qui combattent pour venir dans ce monde. Et ils vont à la rencontre de l'ovi. Peut-être, ce n'est pas celui qui est devant là qui entre le premier. Il pourrait être là-bas en train de tournoyer. Mais le spermatozoïde qui était derrière va attaquer l'ovi rapidement. Et le reste, ça descend. Vous voyez, Munaona, c'est Dieu qui fait l'élection. Ni Mungu njo konachagua. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Quand vous êtes là, wakati kupale, il y avait beaucoup de gens kulikuwa batu mingi, qui voulaient venir dans le monde. Bale baripenda kwa mudunia. Mais Dieu a voulu que vous soyez ici. Alakini Mungu alipenda paka weye ukuye hapa. Mungu amibariki. Et parmi beaucoup de gens qui peuplent la terre, katikati ya bantu mingi wanayala pa dunia, et des milliers et des milliers de personnes qui peuplent Cambodge, ya bantu bale banayala mu Cambodge, Dieu a jeté le regard sur toi. Mungu alitupa macho yake paka juu yako. Pourquoi tout le monde ne croit pas? Dieu nini batu bote abamini? Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Pendant qu'on avait prêché là, peut-être vous étiez à 3 ou 4, mais cela a touché votre père. Alakini ile nagusa paka moyo wako. Tandis que les autres là-bas, alakini bale bengine, ils sont partis. Barienda zao. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Il y a toujours quelque chose. Une kalaka pa kitu fulani. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Et pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ? Dieu nini bwana wetu Yesu Kristo? A-t-il fait le voyage? Alifanya safari. Pour aller à Samarie. Dieu a kwenda ku Samaria. Frère Branham dit, Branham asema, c'est parce qu'il y avait cette semence là. La femme là était une semence prédestinée. Et Samaria, Jésus a fait un voyage. Na Yesu arifanya le safari. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Voyez, unaona, la profondeur upana, appelle une autre profondeur. Upana ingine, quand Jésus est arrivé au bout, Yesu arifika kule kishima, cette femme aussi est arrivée. Na ule mwanamuke naye arifika pale pale. Donne-moi de l'eau. Unipacheko maji. Oh, oh. Vous les Juifs Yuda, et nous les Samaritains, na sisi il n'y a jamais eu de relation. Qui me demande de l'eau à boire? Jésus lui dit, Yesu, si tu savais les dons de Dieu Mungu, et qui est celui qui te demande de l'eau, la ça maji, serait toi qui aurait demandé de l'eau et maji, lui t'aurait donné de l'eau. Na il a regardé, il a dit, akasema, tu n'as pas quelque chose auna na kitu pour puiser de l'eau? Ushote na kyo maji. Donne-moi cette eau, Seigneur. Unipatie bwana ile maji. Ah, quand il a contacté son esprit, wakati alishika roho yake, et qu'il a vu, na aliona ya kwamba, que cette femme était intéressée, ya kwamba mwanamke mambo ilikuwa ngaiko yake, à l'objectif, alienda pale pale ukifukuzio, va, wende, appelle ton mari, unitie bwana yako, et viens avec na nous, mkwe naye hapa. Non, Seigneur, hapana bwana, je n'ai pas de mari, mishina na bwana, en cela, bia, te a dit la vérité, wile njo nasema kweli, yana deja hii, zain, unesha pata batano, et maintenant tia enote, na hapa kuna mwingine, qui n'est pas toujours wa shipo kwa tena bwana yako, non, non, hapana. On nous dit que le Messie doit venir. Anatombia kasema Masia atakuya. Celui qu'on appelle Christ. Ule manaita Christo. Quand celui-là sera ici. Wakati ule atakuya hapa. Celui qui nous parlera ce que vous yen dites. Yenjo atatuambia hivi kuna niambia hapa. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Voyez. Munaona. Cette femme gardait quelque chose en elle. Mungu mwanamke alikuwa anachunga kitu kwa fulani. Viendra, wakati Masia atakuja. Il viendra découvrir. Atakuwa kuvumbula. Le secret qui se trouve dans le cœur des gens. Masiri ile napatikana mioyo ya watu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Et la chose a lié. Na ile mambo ilifanika. Et cette femme a tout laissé. Ule mwanamke aliacha byote. Et cette femme a abandonné. Na ule mwanamke aliacha. Elle est rentrée à la ville. Na alirudia mumuji. Pour appeler les gens. Dieu a kuita batu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Frère Branham dit. Ndugu Branham asema. La preuve. Hakikisho. Que l'homme était sauvé. Ya kwamba mtu alishokolewa. Il ne reste pas seul. Ashibaki yake peke yake. Il voudra que notre aussi soit sauvé. Atapenda mtu mwingine naye aokolewe. Amen. Quand elle avait rencontré le Seigneur. Wakati yeye alikutana na Bwana. Il est allé au village. Alienda mumuji. Et là amenait les gens. Narita bantu. Et les gens étaient sauvés. Na bantu bariokolewa. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Quand Philippe était sauvé, wakati Philippe ariokolewa, il a fait un voyage. Naye alifanya safari. Il est allé trouver Nathanael. Alienda kumuona Nathanael. Nous avons trouvé. Tunakutana. C'est lui dont il est question dans la loi de Moïse. Na ule baliandika, musheria ya Musa tunamuona. C'est Jésus de Nazareth. Yo Yesu wa Nazareti. Est-ce que de Nazareth? Eti ku Nazareti. Peut seulement venir quelque chose de bon. Unaweza kutokea kitu kizuri? Viens et vois. Huya tu wewe mwenyewe uone. Il l'a amené. Ari umpeleka. Quand il l'a déposé devant celui-là, wakati, il a dit. Ari umpeleka. Voilà le vrai Israélite. Akamwambia tazameni. Il n'y a point de front. Israël wa kweli ndani yake. Où est-ce que tu me connais? Bwana unaniuia wapi? Avant que Philippe t'appela. Mbele ya Philippe akuite. D'ailleurs. Tena. Vous étiez sous les figuiers. Kwa chini ya muti. Moi, je te voyais. Que Dieu vous bénisse. Oh, c'était merveilleux. C'est pourquoi il n'y a pas de hasard avec Dieu. Moi, personnellement, je crois. Nous sommes 12 dans notre famille. Nous étions 12. Mais pourquoi? Tout le monde n'a pas crié. Je ne sais pas. Cela appartient à Dieu. Je sais que néanmoins, il m'a visité. Ali ni tembele ya tu. Me connaissait. Ali ni jua. Je suis ici. Que Dieu vous bénisse. Notre sujet, China yetu maubiri, c'est regarder ni kuangalia kubitu yasipoonekana. C'est Jésus-Christ dont je vous prêche. Il existe. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Regardez. Nous avons le cas de Daniel. Il était à Babylone. Alikuwa kule ku Babeli. Il y a eu quelque chose. Kulikuwa kitu fulani ilifanyika. Et on voulait les jeter dans la fournaise. Et on voulait les jeter dans la fosse aux lions. Nabaripenda bamutupe mushimo ya wasimba. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que les gens l'accusaient. Barikuwa na mustaki. Ils ont cherché dans le travail qu'il faisait. Bari tafutisha mukazi ile alikuwa anafanya. Il était un homme irréprochable. Alikuwa mtu bila kemeo. Et ils ont dit, nakisha barisema, nous ne trouverons rien contre ce Daniel. Atutamupata na kosa huyu Danieli. Si nous voulons le surprendre, kama tunapenda tumubambe, il faut que ça soit, inapashi ikue, à la loi de son Dieu. Musheria ya Mungu wake. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Et ils ont fait ce truc là. Na barifanya ile matengenezo. Et le roi a accepté. Na mufanwe aritikia. Il pouvait peut-être signer. Sa zingine aritia saini. Et quand Daniel a compris. Wakati Daniel arielewa. Que la chose a été approuvée par le roi. Ya kwamba ile mambo mufanwe anaitikia. Il s'est retiré. Na yarijikokota. Il est allé dans sa chambre. Akapanda mchumba yake. Il est monté. Aripanda mchumba yake. Là où la fenêtre était ouverte. En direction de Jérusalem. Paka ile ngambo dirisha yake ilifunguliwa kunaangalia ku Yerusalemu. Il a fléchi ses genoux. Alitwanga magoti yake. Il a prié son Dieu. Aliomba Mungu wake. L'écriture dit. Andiko inasema. Il priait 3 fois par jour. Alikuwa anaomba mara 3 kwa siku. Et nous mangeons nous. Na sisi tukunakula. Pour protéger cette vie. Ya kulinda bujima. Nous mangeons 3 fois par jour. Tukunakula mara 3 kwa siku. Nous déjeunons. Tunakula asubuhi. Nous dînons. Tunakula ya midi. Nous soupons. Na tunakula ya mangaribi. Lui aussi, yeye naye, dans les choses spirituelles, il priait 3 fois. Il louait son Dieu. Je ne sais pas. Si jue, peut-être, sa zingine, au lever du soleil, ou asubuhi, il pouvait louer d'abord Dieu. Kwanza na ensuite, Mungu, prier na kisha naomba, avant d'aller à la table mbele ya kwenda kumeza, où il y avait son déjeuner. Na kula chakula peut-être qu'à 11 heures, il pouvait encore tena, prier beaucoup. Uomba mingi, louer Dieu. Na kusifu Mungu. Ensuite, na kisha, 12 heures sonnées, akule, et il pouvait aller à table. Akule chakula ya midi. Peut-être le soir. Sa zingine mangaribi. Je ne connais pas le temps. Wakati, et cependant, na japo, l'écriture déclare. Andiko inasema. Il priait 3 fois. Alikuwa anaomba mara 3. Et même quand la décision a eu lieu. Hata wakati walichukua mpango. Daniel n'a pas arrêté. Asikusimamishe. Cette vie-là. Ile maisha ya maombi hapana. Il a prié. Aliendelea kuomba jusqu'à ce que kufika na pale on l'a arrêté. Bari mubamba. On a dit na bari seba tu descendras dans la fosse. Utashuka sasa mushimo ya simba. Vous savez ce qu'il a sauvé. Unajua ile ilimuokola. Je termine parce que c'est le temps. Deshia pale juice ce qu'il a sauvé. Ile ilimuokoa. C'est parce que ni kwani Daniel. Danieli a compris. Alielewa que le Dieu d'Israël ya kwamba Mungu wa Israeli voyager devant son peuple dans la colonne de feu. Et lorsque Pharaon suivait, il est parti de devant et il est rentré derrière. S'est interposé entre les adversaires d'Israël et il s'est mis là-bas. Maintenant, c'est le même Dieu en qui je crois, il fera le travail. Que Dieu vous bénisse. C'est ici peut-être où on viendra commencer demain. Que Dieu vous bénisse. Nous respectons aussi le temps et l'ordre. Tukunaheshimia wakati na usawa ya kanisa.